Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie. Nous sommes le samedi 17 novembre, il est tout juste 18h. Sur la plus normande des radios, Dorian. Comme toutes les semaines à cette heure-ci, on est reparti pour un nouveau classement de l'Espace Top 20. Espace, plus de son, plus de tubes. Top 20 Espace. Samedi 18h, le rendez-vous incontournable sur Espace. Et oui, c'est la tradition, le rendez-vous incontournable. Les 20 meilleurs sont les 20 meilleurs tubes d'Espace. C'est le classement Espace Top 20. Et on est reparti pour un nouveau cette semaine. Avec en numéro 18, nouvelle entrée dans la prog, Adriano et son Mia. Numéro 19, il ne bouge pas pour le coup, c'est Cédric Gervais, Do It Tonight. Et le numéro 20 qui arrive dans quelques secondes, Bad Bunny et Drake. Nouvelle entrée dans la prog également, c'est Mia. Et puis on vous parle de quelques événements au passage. Rancard à la salle des fêtes de Gournay-en-Bray ce vendredi 23 novembre dès 20h30 pour le One Man Show de Nouma Diawara. Mon ex avait raison à l'occasion de sa grande tournée. Plus d'infos et réservations au 02 32 89 53 80. Et vendredi soir également en direct sur Espace entre 19h et 21h. Je vous retrouverai avec Louis et Mickaël pour l'Open Show numéro 3. Allez, numéro 20 maintenant. Voici Bad Bunny. Top 20. Numéro 20. Yeah. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí. Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bebé, yo soy fan de tu caminar. Te doy todo lo mío hasta mi respirar. Nadie va a tocar. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu bobo con la for y lo espanto. Numéro 19. Espace. Top 20. Le top 20. Numéro 18. S'il y a plus d'un milliard d'étoiles qui m'attendent dans le ciel, la seule qui m'éblouit, c'est le soleil. Même si tu crois que je ne t'entends pas, malgré les décibels, je n'ai qu'une seule envie, entendre ta voix. Cuando veo amanecer, las estrellas desaparecen, pas ti maman. Ta lumière me réveille, ta chaleur m'envahit de regrets, pas ti maman. Chaque heure me rappelle les erreurs de mon être infidèle. Cuando veo amanecer, te canto que te amo como si nada. Il y a plus d'un milliard d'étoiles qui m'attendent dans le ciel, la seule qui m'éblouit, c'est le soleil. Même si tu crois que je ne t'entends pas, malgré les décibels, je n'ai qu'une seule envie, entendre ta voix. Dans la prog Espace et ça vient tout juste d'arriver dans le classement Espace Top 20. C'était Adriano Mia en Normandie, en Picardie, numéro 18 de cette semaine. Dans un instant, le numéro 16, Roosevelt avec Montréal, et numéro 17, il ne bouge pas lui par contre, c'est Black Coffee et David Guetta avec Drive. Passez un bon week-end. Top 20. Le top 20. Numéro 17.

Espace. La plus normande des radios. Espace, en mode souvenir. Bienvenue sur Espace, vous êtes dans l'Espace Top 20 justement et on continue le classement dans un instant avec le numéro 15, ce sera, on le verra après, mais pour l'instant mode souvenir avec Jean-Jacques Goldman, Envole-moi et Rancard aux Andelys ce samedi 24 novembre pour le début du marché de Noël. Bonne soirée et bon week-end. Se lève au détour, les voix se taisent et tout devient aveugle et sourd. La nuit camoufle quelques heures, la zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici, entre l'ignorance et la violence et l'ennui. Je m'en sortirai, je me le promets, et s'il le faut j'emploierai des moyens légaux. La peur ou l'abandon, je m'en sortirai, je te le jure. À coups de livre, je franchirai tous ces murs. Espace. La plus normande des radios.

Tati Patata. Ça me rend fou, ça me rend barba. Patati Patata. Ça me rend fou, ça me rend barba. Patati Patata. Patata. Patati Patata. Patati Patata. Patati Patata. Patati Patata. Patati Patata. Patati Patata. Les meilleurs souvenirs. Pensez évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Espace Normandie. Vous êtes plus de 5200 à nous suivre sur Facebook, alors merci de votre fidélité. Votre souvenir maintenant, avant de découvrir les 11 premiers du classement, voici Michael Sambello avec Maniac sur Espace. Bon week-end. Oh, soyez les bienvenus les Normands, les Picards, si vous nous rejoignez sur Espace en ce samedi soir. Il est tout juste 19h, c'est les infos. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. La mobilisation des gilets jaunes et la situation est tendue en cette fin de journée autour de l'Élysée. Des manifestants portant des gilets jaunes ont réussi à accéder à la rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris où se trouve l'Élysée avant d'être repoussés à coups de gaz lacrymogène. À 17h, ils étaient encore proches du palais présidentiel scandant Macron démission parmi d'autres slogans. Le ministère de l'Intérieur a dénombré environ 1200 gilets jaunes dans le secteur Place Beauvau, Élysée. Selon les derniers chiffres dévoilés par le ministre de l'Intérieur, 124 000 manifestants se sont réunis sur plus de 2000 points de rassemblement aujourd'hui. Tout au long de la journée, de nombreux incidents ont été à déplorer. Le plus dramatique s'est noué en Savoie avec la mort d'une manifestante percutée par une automobiliste, prise de panique près d'un barrage non déclaré. Des crispations ont relevé à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, où un policier a été renversé. À Arras aussi, où un septuagénaire a été lourdement blessé par une voiture. En Haute-Savoie, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des gilets jaunes qui bloquaient l'accès à un viaduc. Les gendarmes ont donc amorcé des phases de négociation un peu partout en France autour des conditions de blocage. En tout, 47 blessés, dont 3 en urgence absolue, sont à déplorer. 24 manifestants ont été interpellés, dont 17 placés en garde à vue. Dans le reste de l'actualité, c'est de saison. Alors que la campagne de vaccination contre la grippe a débuté le 6 octobre dernier, le vaccin va coûter plus cher cette année à l'assurance maladie, 63 millions d'euros contre 35 l'an passé. Un prix plus élevé puisque cette année, le vaccin contient 4 souches différentes. 43 personnes au moins, dont 36 membres de familles de djihadistes du groupe État islamique, ont été tuées aujourd'hui d'après une ONG dans des frappes imputées à la coalition internationale dans l'est de la Syrie. Et puis un mot de rugby ce soir à 21h05, le 15 de France rencontre l'Argentine. Sur la plus normande des radios, Dorian. Nouvelle heure ensemble et on continue le classement Espace Top 20 de cette semaine. Espace, plus de son, plus de tubes. Top 20 Espace. Samedi 18h, le rendez-vous incontournable sur Espace. Et on est reparti pour découvrir cette fois-ci les 11 premiers titres du classement de cette semaine. Vous êtes dans l'Espace Top 20, bienvenue si vous nous rejoignez. Alors, le numéro 11 cette semaine, c'est donc les Maroon 5 Girls Like You. Ils prennent une petite gamelle, hein, moins 5 points, ça fait mal aux fesses. Et puis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 25 novembre du côté de Bon Secours pour l'ouverture du marché de Noël. N'hésitez pas à vous y rendre. Allez, assez parlé. Voici le numéro 11 maintenant. Espace Top 20. Le Top 20. Numéro 11. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. Ooh. We spent the late nights making things right between us. And now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl. On the last flight to you, I took a whole day up trying to get way up. Ooh.

reminding me I got these scars to forget your love. Keep reminding me, oh, to forget your love. You left your baby. You left your mom. Might be too forget. You left your baby. You left your mom. There's no room in war for feelings. Hurt me to the core, still healing. And I know you're no good for me. So I try to forget the memories. Cause baby it hits so hard. I'm holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter. As you like, I need you to let go. Got these mental, but I'll be alright. Yeah. Baby, it hits so hard. I'm holding on to my chest. Baby, you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Grande descente hein, pour eux aussi, malheureusement. Ils passent du numéro 5 au numéro 9. Caigo, Miguel, Remind Me To Forget sur Espace, du côté de Pont-Audemer, de Bernay, de Lyons, La Forêt ou encore de Louviers. Merci d'être avec nous et on continue le classement avec le numéro 6 dans quelques minutes. Big Flo et Oli plus tard, c'est nouveau dans la prog. Nouveauté également, numéro 7, Shawn Mendes, Lost in Japan. Et numéro 8, c'est The Prince Karma avec Later Bitches. Espace. Top 20. Numéro 8. We'll be right back.

Des radios. Espace en mode souvenir. Avant de découvrir les 5 premiers titres du classement, c'est l'heure du mode souvenir un peu particulier cette semaine. On a fêté un triste anniversaire, celui des attentats du 13 novembre 2015. Et il y a tout juste 3 ans, ce titre avait résonné comme un signe de révolte et de réponse en France. Voici John Lennon, c'est Imagine sur Espace et nous n'oublierons jamais. Bon week-end. Sharing all.

passe en son contraire. Une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel. Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul. Vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai ton jouet. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spin n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spin n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Le spin n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu. Tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai ton jouet. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai ton jouet. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spin n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spin n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Le spin n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Numéro 1 de cette semaine, c'est également nouveau dans la prog espace. Angèle avec Tout oublié. Passez un bon samedi soir. Si vous faites partie de ce fameux mouvement des gilets jaunes, faites attention à vous. On ne donne pas son opinion ici, mais voilà, faites gaffe à vous, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, voici la prog télé de ce samedi soir avec David Leroy. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le samedi 17 novembre. Alors que la France est bloquée, j'ai bravé les routes pour être là comme chaque jour pour vous parler du programme télé. Fier comme un patron de bar tabac avec mon gilet jaune, je suis là pendant une petite minute 30-45, tout dépend si je traîne, pour vous parler de cette magnifique soirée qui nous attend. Ce soir sur TF1, Danse avec les stars, avec comme toujours les jurés et les candidats qui viennent danser dans de belles robes et de beaux costumes sur le parquet ciré. France 2, un sport de bonhomme. J'adore ça, France-Argentine, c'est du rugby. 23h05, on n'est pas couché, Laurent Ruquier et ses chroniqueurs reçoivent comme toujours des people et des politiques. France 3, le commissaire Magellan est de retour avec des inédits en première partie de soirée et des rediffs en seconde. Canal, la montagne entre nous, c'est un drame. L'histoire d'un reporter photographe qui s'écrase en avion en pleine montagne. Alors il s'en sort, mais du coup ils vont devoir se cailler un peu pour retrouver le chemin. Alors que s'ils avaient appelé mon ami Maxime... Maxime, le petit gars des montagnes. C'est Heidi en caleçon, oui. Bon, va savoir, certains disent même que le mardi, il devient la grande Zoa, mais je ne juge pas. Arte, les Alpes à vol d'oiseau, c'est un documentaire où l'on va voir les Alpes à vol d'oiseau, hein, d'où le titre. M6, Seal Team, la série continue ce soir avec un inédit en première partie de soirée et des rediffs de NCIS Los Angeles dès 23h35. Le meilleur de la TNT, France 5, échappé belle, nous sommes dans le Bordelais, C8 au tableau. C'est Bernard Tapie, Jean-Michel Blanquer et Malik Bentala. Vous connaissez le principe, ils arrivent dans une salle de classe et des petits enfants leur posent plein de questions, souvent c'est sans filtre et c'est ça qui est drôle. Voilà, c'est terminé, on se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Ça se passe uniquement sur Espace. Écoutez aujourd'hui ce qu'il s'est passé hier. Et voilà, l'Espace Top 20 touche à sa fin pour cette semaine. On se quitte en mode souvenir avec Léopold Nord et vous, c'est l'amour. Ensuite, vous retrouvez bien la suite des programmes d'Espace. Et moi, je vous file rencard vendredi soir à 19h pour l'Open Show. Et puis samedi 18h pour un nouveau classement. Ciao. Qui bouge le cul des Andalouses, c'est l'amour. En cherchant sous ta blouse, c'est l'amour. J'prends l'entrée et puis le plat du jour, c'est l'amour. Toi et moi dans le même Bermuda, c'est l'amour. Planter sa